Chanson d'automne de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox par Lérisanne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.